J'ai connu tant de villes qui n'étaient jamais les miennes. J'ai connu tant de filles qui ne me connaissaient pas. Et ma maison et mes amis, vous étiez loin, loin, loin. J'ai envie de vous revoir et je reviens. Buvons un verre à la santé d'hier, à la santé du temps, du bon temps, quand il n'en manquait pas un de tous nos vieux copains. Nananana, nananana. Buvons un verre à la santé d'hier et oublions demain. Je sais bien que tout change et que les photos vieillissent, que ma mère sera blanche, que ma maison sera grise et que le temps de mes 10 ans est déjà loin, loin, loin. J'ai envie de le revoir et je reviens. Buvons un verre à la santé d'hier, à la santé du temps, du bon temps, quand il n'en manquait pas un de tous nos vieux copains. Nanana, nanana, nanana. Buvons un verre à la santé d'hier et oublions demain. Si le temps fait des siennes, si le temps fait des siennes, si le monde nous sépare, si le monde nous sépare, que toujours nous reviennent les visages du passé de ce qu'on aime. Et peu importe si c'est loin, loin, loin, quand on peut encore se dire je me souviens. Buvons un verre à la santé d'hier, à la santé du temps, du bon temps, quand il n'en manquait pas un de tous nos vieux copains. Nananana, nananana. Buvons un verre à la santé d'hier et oublions demain.